Daniel chapitre 12. Or, en ce temps-là, Michaël, ce grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a eu des nations, jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là ton peuple, c'est à savoir, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, échappera. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour les opprobres et pour l'infamie éternelle. Et ceux qui auront été intelligents, luiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, luiront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles, et cachette ce livre jusqu'au temps déterminé, auquel plusieurs courront, et la science sera augmentée. Alors moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres se tenaient debout, l'un en deçà, sur le bord du fleuve, et l'autre au-delà, sur le bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Quand est-ce que sera la fin de ces merveilles ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel, ayant élevé sa main droite et sa main gauche vers les cieux, jura par celui qui vit éternellement, que ce sera jusqu'à un temps, à des temps, et une moitié de temps, et quand il aura achevé de disperser la force du peuple saint, toutes ces choses-là seront accomplies. Ce que j'ouïs bien, mais je ne l'entendis point, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont closes et cachetées jusqu'au temps déterminé. Il y en aura plusieurs qui seront nettoyés et blanchis, et rendus éprouvés, mais les méchants agiront méchamment, et pas un des méchants n'aura de l'intelligence, mais les intelligents comprendront. Or, depuis le temps que le sacrifice continuel aura été ôté, et qu'on aura mis l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin, néanmoins tu te reposeras, et demeureras dans ton état jusqu'à la fin de tes jours. »